Que nous aurons au téléphone Alain Emery, écrivain. Ça viendra. On commence avec Philippe Drey, notre invité. Alors, quand est venue l'idée de créer une maison d'édition? Bonne question. Depuis très longtemps, en fait. J'ai toujours été graphiste, maquettiste et auteur. Et à un moment, il est devenu évident que c'est la chose qu'il fallait faire dans ma carrière, à moi, dans ma vie, de profiter de ce que je savais faire et de ce que je sais écrire pour effectivement promouvoir d'autres auteurs. Parce que tu écrivais déjà? Oui. J'ai toujours écrit depuis l'âge de 10-12 ans, j'ai commencé à écrire. Tu écrivais quoi? Des nouvelles. Des nouvelles? Oui. Toujours? Toujours. De la poésie aussi. Ah, d'accord. La période adolescente. Ouais. Donc tu édites exclusivement des nouvelles? C'est un peu l'idée, c'est de... Pour l'instant, les nouvelles en France ne sont pas reconnues. Si on veut lire une nouvelle, il faut absolument acheter un recueil. De toute façon, c'est quasiment impossible d'acheter une nouvelle en tant que telle. Et l'idée, c'est justement de publier des nouvelles en tant que texte. Donc sous forme de petits livres vendus sur Internet. Des petits livres de combien de pages? Ça sera des livres qui feront 24 pages dans un premier temps. Il y aura peut-être d'autres formats par la suite. Plus petit, plus grand? Plutôt plus grand. Mais la norme de la maison d'édition, ça sera toujours des petits livres de 24 pages. Et le format? 10-15. Donc 10-15. C'est ce que j'appelle moi des livres portables. C'est-à-dire l'idée, c'est d'avoir des petits livres qu'on peut emmener partout. Oui, oui. Arrêter un peu de lire 20 minutes et métro dans le métro, justement, et lire autre chose. Ou le vieux numéro de Elle d'il y a 3 ans chez le médecin. Oui. J'en vois beaucoup qui lisent pas mais le journal, mais qui lisent de gros bouquins. Oui, mais justement. De 200 pages. Mais il y a aussi un tas de personnes dont je fais partie qui sont dans une vie professionnelle qui leur permet pas forcément de se plonger dans des romans longs et qui ont un peu la frustration de la lecture. Oui. Et puis il y en a qui lisent pas beaucoup aussi, qui ça leur fait peur les gros bouquins, ouais, qui, voilà, qui sont moi. Voilà, bah, je pense à Myriam qui aime pas trop ça lire et ça peut justement comme c'est assez court, ça peut donner vachement envie. Mais c'est un peu l'idée. C'est clair, parce que quand on voit les gros livres, ça décourage certains, ouais, quoi, en fait. C'est clair. C'est justement l'idée. Ouais, ben bah, c'est une bonne idée. Merci. La couleur sur la couverture. Noir et blanc. Couverture noir et blanc. Oui. Rigide, souple. Souple. D'accord, donc on peut l'enrouler un petit peu, le mettre dans la tout poche. Tout à fait, le but c'est vraiment de faire des livres portables, c'est-à-dire qu'ils soient en portable partout. Très bien. Et des recueils de poèmes, non? J'aimerais bien, mais le problème c'est effectivement de trouver des lecteurs. Et c'est quelque chose que je testerai, mais c'est un problème de lectorat plutôt. Tout le monde aime la poésie, tout le monde aime lire la poésie. Malheureusement, il semble que personne n'achète de la poésie. Oui, c'est problématique, effectivement, ouais. Quand on veut vendre des livres, un recueil. Ouais. Donc, le concept, c'est... Le concept, c'est de présenter une nouvelle dans un petit livre, oui. De la présenter sur Internet, oui. De la commander directement sur Internet, oui. Et de la recevoir par la poste. Ok. Et est-ce que, par exemple, le prix de transport est compris dedans ou pas? Il sera compris dedans de toute façon, oui. Et ça reviendra à combien à peu près? Ça sera aux environs de 4 euros avec les frais de timbrage dedans. Ah ouais, ça, c'est très bien. C'est pas... C'est accessible. Plutôt oui. Après le nom, Philaplon. Au début, il y a eu une première version de la maison d'édition avec un associé qui finalement s'est pas faite. Et on a cherché un nom, il faut aussi trouver, puisque c'est sur Internet, il faut aussi trouver des noms de domaines qui soient disponibles. Ça commence à se raréfier. Mmh. Et Philaplon, en fait, c'est mon pseudo à moi depuis très longtemps. J'étais déjà sur Minitel, je suis sur Internet depuis 88-89. Et ça a toujours été mon pseudo. Donc évidemment, comme c'est devenu ma maison d'édition par la force des choses, puisque mon associé n'est plus là, j'ai gardé le nom. Sur Minitel? Ouais. Oh, ça fait un bout de temps. Oui, 88-89, j'avais un an, quoi. 36-15. Ah, mais énorme. Mais il y a un sens dans Philaplon, puisque ça te suit depuis longtemps. Il y a quelque chose, il y a un sens profond. Au départ, il y a un sens caché sous le pseudo, mais ça n'a rien à voir avec la maison d'édition. Disons qu'on pourrait dire que ça indique une certaine direction. Et donc, tu dis que t'as fait quoi comme métier? J'ai été graphiste maquettiste pendant 17 ans, j'ai été formateur, auteur évidemment. Oui. Et en ce moment je suis documentaliste en même temps qu'éditeur. Ah, où ça? Dans un lycée privé. Et d'où est venu ce changement-là, de passer de graphiste à documentaliste? Très sincèrement, pour des histoires de conditions de travail. Ah ouais. Graphiste maquettiste pendant 17 ans, c'est un peu lassant de faire des logos, des têtes de lettres, des cartes commerciales pendant le... Bon, c'est un peu répétitif à force. Donc ça te ressemble vraiment, puisque tu écris toi-même des nouvelles. Oui, de toute façon, c'est maquettiste, mon projet de graphiste, vie, ça, et le choix de l'imprimeur. Et il est compliqué, quels sont les critères, à part financiers? Il y a le critère financier, il y a aussi un critère environnemental, ça sera imprimé sur du papier recyclé, avec de l'encre sans solvant. Donc ça, c'était des conditions minimum de départ. Évidemment, il y a le prix de l'imprimeur. Tu avais déjà cette idée à... Oui, tout avant. À fait, oui. D'accord. Tout à fait. Oui, c'est tout. Oui, bah oui. Vous avez... Ouais, t'as mis rien de une question. C'est imprimé à Toulouse, oui, la question. Non. Non. Parce qu'il y avait des histoires de transport aussi, il faut nous en parler. Non, au départ, j'avais cherché pour avoir un meilleur prix d'imprimer en Pologne, mais finalement, le coût du transport aérien est devenu tellement cher que ça revient quasiment pareil d'imprimer à Toulouse. Moralement, je préfère imprimer à Toulouse. Oui, oui. Mm-hmm. Et on peut les suivre comme ça. Oui. On va voir ce qui se passe. On sait sur qui on sait qui est engueulé. Exactement. Au départ, j'avais un projet qui était de travailler sur la littérature contemporaine, c'est-à-dire des nouvelles qui parlent du monde d'aujourd'hui. Et finalement, à force de rencontrer des auteurs, de lire d'autres textes, j'ai dévié un peu. Donc il y aura un peu de fantastique, il y aura un peu de... Mais ça reste quand même très actuel. Ça reste quand même très branché sur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un au téléphone? Oui, je vous entends. Ah, parfait. Bonsoir. Ça va. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Alain Emery. Oui, c'est ça. Vous êtes auteur? Oui. De nouvelles? Oui. De nouvelles exclusivement? Pas exclusivement, mais en grande partie, oui. C'est ma distance préférée, on va dire, oui. Alors, c'est vraiment l'élément que je préfère, on va dire. On va parler de Canaille et compagnie. Ouais. D'aspect extérieur, ce livre. Oui. Est bleu sombre, oui. Bleu nuit. Oui. Donc c'est Canaille et compagnie, avec votre nom tout en haut, et... un jeu de cartes. Oui. Dans son étui. Mmh. Voilà. Donc on se demande pourquoi un jeu de cartes. Alors le jeu de cartes, c'était une allusion. Alors c'est tout à fait tiré par les cheveux. C'était une allusion à Truman Capote qui mettait en tout début de son recueil de nouvelles musique pour Caméléon. Et je me retrouve seul, isolé dans ma folie, avec mon jeu de cartes et le fouet dont m'a gratifié Dieu. Vous voyez, c'est parti là-dessus. Et donc la couverture est un petit clin d'œil à ce recueil de nouvelles qui était absolument admirable à l'époque. Qui n'a pas d'ailleurs été égalé depuis, et que j'aime particulièrement. Voilà. Ah oui. Moi je croyais que ça faisait référence à la première nouvelle. Alors, en même temps, ça tombe très bien, puisque la première nouvelle, c'est l'histoire d'un joueur invétéré, et c'est vrai qu'avec l'éditeur, ben, le clin d'œil, le choix de mettre cette nouvelle en premier est venu avec mon choix, moi, d'utiliser cette couverture, voilà. Donc après, ensuite, si on l'ouvre, on lit. Le style est très agréable. Merci. Ça se lit facilement. Il y a un vocabulaire intéressant. J'ai ouvert le dictionnaire quelquefois. Ça peut être utile. Il n'y a pas de coquilles. Important. Ah, c'est déjà bien. Pas de coquilles. Il y en a. Je les ai pas trouvées, mais par contre... Ah, bah, il y en a. Il y en a pas beaucoup. J'ai trouvé une faute d'accord. Oh là là, la faute d'accord du livre. Je vous la donne. Ah, je veux bien, oui, si vous voulez. Quelle page? Page 90. Bon, page peut-être, 90, peut-être qu'en même temps j'ai des problèmes avec le français, mais c'est la mort, il l'avait observé et... Voilà. Effectivement, oui, oh là, oui. Oh là là. Non, vraiment, j'ai beaucoup moi, cherché. Moi, je ne l'avais pas vu. Hein. J'ai lu le livre et je ne l'ai pas vu. Donc, ça passe inaperçu. Je ne sais plus dans laquelle, mais effectivement, il y a également une énorme faute de français où je dis à un moment donné, après qu'il y ait eu quelque chose, alors que normalement, c'est après qu'il y a eu... Donc là, c'était pas terrible non plus. Mais bon, je n'avais pas noté celle-là. Je vais gronder l'éditeur. Donc c'est un recueil de d'environ 200 pages. C'est des nouvelles courtes. Oui, je préfère les nouvelles assez courtes. Enfin, je préfère les écrire. Maintenant, je n'ai rien contre la novella ou les nouvelles un peu plus longues à lire. Mais j'ai un peu plus de mal, c'est vrai, sur la distance. Ouais.

On peut pas tout publier. Oui, bien genre. Sûr, mais proportionnellement, enfin. J'ai pas fait de statistiques, c'est. Oui. Et y a des textes qui sont censurés, enfin censurés, je dirais, qui passent pas pour des raisons X ou Y d'ailleurs. Non, c'est plus, des textes. En général, c'est plus des textes non aboutis, c'est-à-dire qu'il y a une bonne idée et ça a été mal exploré par l'auteur, ou au contraire, il y a une bonne idée et c'est mal écrit. Oui, ça arrive aussi. Et le fait que tu sois écrivain toi-même, je pense que ça permet de mieux dialoguer avec les auteurs. Ce qui arrive régulièrement, c'est que les textes arrivent relativement finis et qu'il y a encore un travail avec l'éditeur sur l'amélioration du texte. Donc tu travailles avec eux. Oui. Et quand tu refuses un texte, tu expliques pourquoi clairement? Ou tu fais, tu dis que ça correspond pas à ta collection? Non, j'explique clairement pourquoi. L'argument numéro un, c'est est-ce que je crois à l'histoire ou pas? Si je tombe dans une histoire où dès la troisième page, je me dis mais ça tient pas debout, je vais pas publier le texte. C'est que l'idée est mal présentée ou c'est que l'argument du texte fonctionne pas. Et ça peut être dans tous les styles, ça dit. Ça peut être dans tous les styles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au début, il y avait vraiment une volonté de faire de la littérature actuelle. Mais ensuite, il y a des auteurs qui ont été capables de produire des textes qui m'ont quand même amené sur d'autres pistes. Il va y avoir du SF, il va y avoir du fantastique. Mais c'est d'abord les textes, de toute façon. Et il y en a beaucoup qui se présentent, qui envoient des textes, justement. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Oui, il y en a beaucoup. Et les écrivains, où est-ce qu'ils peuvent, les auteurs, ils peuvent. Mais ça sera sur le site filaplomb.fr aussi. Il y aura une entrée pour les auteurs qui veulent proposer des textes. Donc ça, c'est le site auquel on s'adresse. Oui, tout à fait. Et c'est enfin, est-ce que tu pourrais appeler pour. Filaplomb, FILAPLOMB. De toute façon, il y a un lien sur le site internet. Voilà, on internet le mettra sur Indiesis. Je crois qu'il y est déjà. INDIESIS.com. Oui, ou sur le site Filaplomb, il y aura un lien vers votre site aussi. Merci. Tu proposes combien de livres? Dans le projet, il y en a 24 par an, c'est-à-dire 2 par mois. Il y aura une possibilité de s'abonner, c'est-à-dire de décider de les recevoir toutes, de faire confiance et de les recevoir toutes. Mais sinon, c'est effectivement 2 par mois. On peut en parler des premières? Oui. Oui. Alors. Landry, tu les as lues. Je les ai lues. Personne ne les a lues encore. Si. Alors. Je suis rentré rapidement dans la toute première. Oui. Copenhague. Je peux te donner les titres. Oui, bien sûr. Copenhague. Arnaud Dudek. Suivi d'un couple idéal. Oui. Alors, c'est. Comment dire? C'est la vie de couple moderne. Ah ouais, mais typique. C'est triste. Ouais, mais c'est un couple usé dans la trentaine et qui, d'une certaine manière, il cherche encore des solutions. Oui, on va pas trop en parler. Non, j'en dis pas plus. Non. Non, très bien. Parfait. C'est dommage qu'on puisse pas en dire plus. C'est un peu le problème des nouvelles, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est difficile à résumer. Florence, oui. Oui, attends, j'ai fini de discuter. Voilà, alors j'ai lu Florence, moi aussi, tout à l'heure. Jean-Louis Ruffel, ouais. Et je suis relativement bien rentré dedans, si je puis dire, en tout cas. Enfin, un peu un thème du texte, mais on va pas développer. Quand même, effectivement, en lisant l'un et l'autre, c'est quand même assez sombre comme vision. Sur ces deux-là, oui, mais sur les deux autres, non. Sur les deux autres textes, je démarrerai avec quatre nouvelles au 1er novembre. Ouais. Sur les deux autres sont plutôt positives. Plutôt positives, ouais. Donc c'est pas. Et c'est écrit par rapport à quoi? Ça vient d'imagination? Il y a une histoire d'expérience qui a permis d'écrire aussi. Est-ce que c'est important? Si c'est vrai ou pas? Non, que ce soit vrai, non, mais est-ce que, au niveau de l'inspiration, je veux dire, ça vient comme ça temps, ou c'est... Pas, est-ce que, pas Robinson, est-ce que Robinson Crusoe a existé? De l'auteur. Ah, bah oui, enfin dans ce cas-là... C'est toute la question de la littérature. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est le travail de l'auteur de faire croire que c'est vrai. Et donc ces nouvelles, elles sortiront le combien? Le 1er novembre. D'accord. Ensuite, oui, Florence, c'est la troisième qui sortira. Oui. Juste avant, Lia. Lia. Avec la petite statuette dans le bas. Sukuma. Alors, Sukuma, la seconde, on lit une page, deux pages. On se dit, oulala, ça commence à... C'est pas terrible. Et d'un seul coup, vers la troisième page, oui. On est dedans complètement. On sait pas pourquoi. on est plongé, on a tout l'univers. Peut-être parce que c'est bien écrit. Peut-être parce que c'est bien écrit. Et on a jusqu'à des frissons dans le corps, à certains moments. Un tout petit peu déçu par la fin, mais comme tu le dis, soit ça restait en suspens. Oui, il fallait conclure d'une manière ou d'une autre. Soit il fallait conclure d'une certaine façon. Et c'est vrai que, non, il est très bonne nouvelle. Ouais. Et là, la meilleure, enfin la meilleure, je trouve. C'est tout à fait subjectif. Voilà, c'est pour ça que je dis je. Ouais, Florence, elle est énorme. Et pour chacune, on regarde la couverture. On se dit, ouais, un scooter. Ça, c'est mon apport de graphisme. C'est quoi ce bouquin? Alors, on voit un poupon. Pareil, un poupon. Et quand on termine la nouvelle, on ferme le bouquin. Et là, on voit la couverture. Et il y a un effet de recul. On se dit, oh là là, ah oui, ça y est, je comprends. Et là, tout est bouclé, c'est terminé. La nouvelle, on l'a lu, on a tout compris, on est content. C'était un bon moment et c'est très bien. Je suis content d'avoir lu ça. Mais ça, c'est mon côté graphiste. Comme j'ai effectivement été graphiste pendant 17 ans, ça me permet, à partir du texte, de créer la couverture. Mmh. Donc, je fais les couvertures en général moi-même, sauf cas particulier où je ne peux pas l'illustrer directement. Mais donc, la couverture, la photo est conçue en fonction du texte. Et les photographies, elles viennent d'où ? De moi. Bien. Donc, on n'a pas fini par rapport à tout à l'heure. Je demandais. Donc, tu refuses mon œuvre. Tu m'envoies un email très poli, très, oui. Tu es très courtois. Tu me dis non. Et imaginons, elle te plaît. Oui. Dans ce cas-là. Mais je te dis oui, mais il reste des choses à corriger. Cette fois, t'envoies pas de mail. Tu me téléphones. Non. Je t'envoie un mail aussi. Tout par internet. T'as pas compris. Un appel avec Skype, c'est. Non, c'est assez drôle parce que les auteurs qu'on a cités, Jean-Louis Ruffel, il est près de Marseille. Arnaud Dudek, je sais pas trop où il est d'ailleurs. Barbara Soufir, elle est à Angers, près de Paris aussi. Jessica Lys, qui sera la quatrième, elle est à Grenoble. Ce sont des gens que j'ai jamais rencontrés en même temps. C'est vraiment par téléphone et par internet. C'est marrant. Ah, mais il y a eu quand même le contact téléphonique. Heureusement, oui. quand même. Et signature des contrats, les retours des papiers. Tout par internet. Par internet aussi. Oui. Oh. Oui. Ah, mais c'est bizarre. Et donc, savoir utiliser internet. Si la nouvelle te plaît, alors je vais. Alors, imaginons, je suis un grand écrivain et j'ai pas internet. Tu me perds. Tant tu pis. M'as pas. Tant pis. Il y en a d'autres. Non, on peut même pas envoyer par courrier. De manuscrits. Non. D'accord, j'insiste pas. Non. Mais comment tu écrirais à la maison d'édition? Ah, faudrait que tu donnes l'adresse. Elle est joignable par le site, donc voilà. Non, mais c'est bien. Donc tu acceptes. Donc par internet, tu me dis voilà, tu signes ici. Et donc c'est vrai qu'il y a cette étape du contrat où effectivement j'envoie le contrat par email. Et il y a un retour papier obligatoirement pour les signatures, oui. Quand même. Ah, quand même. Tout n'est pas dématérialisé. Mais les livres existent, hein. Les livres sont envoyés par la poste. Et, oui, bien là, sûr. Effectivement, oui, c'est pas des PDF. Non, c'est pas des fichiers envoyés par Internet. Oui, on a bien parlé au début. C'est bien des livres. C'est bien des livres purs et durs. Hein. Oui, tout à fait. Bon, ça. Donc, par rapport aux droits d'auteur. Oui. Donc, je suis écrivain. Là, on va parler pour les éditeurs en général. Tu acceptes mon œuvre, tu acceptes de l'éditer. Est-ce qu'elle m'appartient encore ou elle appartient à la maison d'édition ? On est dans le droit français, donc de toute façon ton œuvre t'appartient. Tu es rémunéré au pourcentage en tant qu'auteur. Donc j'ai essayé, moi, puisque je suis auteur, de partir sur une échelle haute. Donc sur les, pour parler très précisément derrière, sur les contrats, les auteurs sont rémunérés à 10% au départ, sachant que si y a un succès commercial, ça peut monter jusqu'à 20%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une maison comme Gallimard rémunère à 6%, par exemple. D'accord. Et par exemple, quelqu'un qui écrirait des petits romans pour les enfants, est-ce que ça marche aussi ? Ça, c'est une piste que je vais explorer aussi. Il va y avoir d'autres pistes sur la maison d'édition. La première version, c'est que des nouvelles. Ensuite, il va y avoir sans doute des petites BD. Donc là, j'ai les auteurs qui travaillent là-dessus. Et il va y avoir surtout une partie journaliste. Il y a tout un tas d'articles qui ne sont plus pris par la presse, des articles de fond, qui sont un peu plus longs, et qui vont être publiés sous cette forme-là de petits livres, achetables sur Internet aussi. Très bien. On a fait tout le tour ? Je pense. Oui. 1er novembre. Ouais, on va répéter. Donc filaplomb.fr, filaplomb.fr. On peut retrouver ce lien sur Indiesis, ainsi que des extraits d'émissions, l'émission entière, on verra selon nos... selon nos... si on se censure beaucoup, peu ou pas du tout. Donc indesis.com, indesis.com. Excusez-nous pour les problèmes techniques. Merci Philippe des éditions Philaplomb d'avoir répondu à nos questions. De rien. Oui, merci beaucoup, c'est très intéressant. J'ai appris de nos... Merci à Tristan, Régis, merci aussi pour les problèmes techniques. Merci Charles. Oh. Merci à vous. Et merci, merci Chloé. Et merci Alexandre qui était spectateur. On termine avec un peu de musique klezmer. Ah, sympa. On vous entendra plus. C'est quoi la musique que tu nous... Oui, on dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Juste, c'est quoi le nom de la chanson que tu nous mets? Je mettrai sur le site internet. T'en fais voir. C'est en yiddish. Et... Dis-moi, je prononciation en yiddish. Pas t'es... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et ce soir, si vous allez à la soirée brésilienne. Ouais, d'accord. Tu peux couper les micros, Tristan. C'est 5 euros.